gardons cette attitude de repentance. This repentance attitude. Et le cœur repentant, nous allons vers le Seigneur. With our repenting hearts, we're going to the Lord. Et nous allons lui dire, Seigneur, purifie mon cœur. We're going to say, Lord, purify our hearts. Rends-moi aussi pur. Lord, make me as pure. Que l'or. As gold. Seigneur. Lord. Ôte de moi. Ôte en moi. Take away from me. Tout ce qui ne te glorifie pas. Everything that doesn't glorify you. Que vraiment à tes yeux je puisse être maintenant saint. So that I can be holy. Purifie mon cœur, Seigneur. Purify my heart, Lord. Que nos cœurs soient disposés. Let my body be disposed. Que nos cœurs soient ouverts à la repentance. Let our hearts be open to repentance. Une repentance sincère. A sincere repentance. Une repentance sincère. A sincere repentance. Une repentance sincère. A sincere repentance. Afin qu'il puisse agréer notre adoration. So that he can agree our worship. Alléluia. Amen. Purifie mon cœur. Purify my heart. Purifie mon cœur, Seigneur. Standing in the presence of God. Nous restons debout dans la présence de Dieu. And I'm reading from the Bible. Et je lis de la Bible. Remember, I did not speak against offering. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé contre les offrandes. But the preaching of money from January to January is a sin. Mais la prédication de l'argent, de janvier à janvier, c'est un péché. Let us bring the blood of Jesus. Prêchons le sang de Jésus. Hallelujah. Alléluia. I am reading from the Bible. Je vais lire dans la Bible. In the book of Luke, chapter 8. Dans le livre de Luc, chapitre 8. And we are going to continue worshiping. Nous allons continuer après d'adorer. Don't read it, I'm reading it here. Ne lisez pas, moi je vais lire ici. I want us to worship and just move into the healing service. Je veux que vous continuez à adorer comme ça, nous allons rentrer dans le service de guérison. Because we don't have much time. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir. We are given only until 6. On nous a donné jusqu'à 18h seulement. So there is no time to sit down. Alors il n'y a pas le temps pour s'asseoir. I want us. Je veux que. I want us. Je veux que nous, to just read, que nous puissions seulement lire, and then worship. Alors nous allons adorer. And transition very slowly into the healing service. Et transiter doucement dans le service de guérison. Because we are only until 6. Parce que nous n'avons que jusqu'à 18h. Luke chapter 8. Luc chapitre 8. From verse 40. À partir de verset 40. Listen to this. Don't have to read it. Just listen. Écoutez seulement, ne lisez pas, mais écoutez. Now when Jesus returned, à son retour, a crowd welcomed him. Jésus fut reçu par la foule. For they were all expecting him. Car tous l'attendaient. Verse 41. Verset 41. Then a man named Jairus. Et voici un homme nommé Jairus. A ruler of the synagogue. Qui était chef de la synagogue. Came and fell at Jesus' feet. Il se jeta à ses pieds. Pleading with him. Et le supplia. To come to his house. D'entrer dans sa maison. Because his only daughter. Parce qu'il avait une fille unique. A girl of about 12. Une fille d'environ 12 ans. Was dying. Qui se mourait. Alléluia. Alléluia. As Jesus was on his way. Pendant que Jésus y allait. As Jesus was on his way. Pendant que Jésus y allait. The crowd almost crushed him. Il était pressé par la foule. And the woman was there. Oh, il y avait une femme. Who had been subject to bleeding. Atteinte d'une perte de sang. For 12 years. Depuis 12 ans. Alléluia. Alléluia. A woman was there. Il y avait là-bas une femme. Who had been bleeding for 12 years. Qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Alléluia. And he says. Et il dit. But no one could heal her. Il y avait personne qui pouvait la guérir. If you read in the book of Mark. Quand vous lisez dans le livre de Marc. It says she had spent all she had. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. In the doctors. Chez les médecins. To the doctors. Au docteur. For the doctors. Pour les docteurs. By the doctors. Par les docteurs. She had spent everything. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. And in the book of Mark he says. Dans le livre de Marc il dit. Instead of getting better. Au lieu de s'améliorer. She grew worse. Elle est devenue pire que cela. Listen to what he says. Écoutez ce qu'elle dit. And he says. Qu'est-ce qu'elle dit? And a woman was there. Et la femme était là. Who had been subject to bleeding for 12 years. Qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. But no one could heal her. Et personne ne pouvait la guérir. She came up behind him. Elle s'approcha par derrière. And touched the edge of his cloth. Et toucha le bord du vêtement. Touched the edge of his cloth. Elle a touché le bord de son vêtement. Hallelujah. And then he said, she came up behind him and touched the edge of his cloth. Il s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. And immediately her bleeding stopped. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Hallelujah! Hallelujah! The power of the Lord. La puissance du Seigneur. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. She touched the glory of God. Elle a touché la gloire de Dieu. And it is not she that touched. Et quand Jésus qui n'a pas été touché. But the Lord. Mais c'est le Seigneur qui l'avait touché. And her bleeding stopped. Et sa perte de sang s'est arrêtée. I don't know why you are here. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. You remember this woman? Rappelez-vous de cette sur des bancs. She was not allowed to sit on any chair. Elle n'était pas permise de s'asseoir à aucune chaise. Or to touch anything. Ou même de toucher quelque chose. Everything she touched was unclean. N'importe quel point elle touchait était devenu impur. In other words, rejected. En d'autres mots, elle était rejetée. 12 years. Pendant 12 ans. And she heard. Alors elle a entendu. That Jesus was in town. Que Jésus était dans la ville. I don't know why you are here today. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. But I know that you know that Jesus is in town. Mais je sais que vous savez que Jésus est dans la ville. The Lord Jesus is visiting town. Le Seigneur Jésus est venu visiter la ville. He loves you so much. Il vous aime beaucoup. He will come down for you. Il va descendre ici pour vous. At this moment. Et à ce moment. With this woman. Quand cette femme. Touched. Quand elle a touché. Hallelujah. Hallelujah. The book of Mark. Le livre de Marc. It says she said to herself. La Bible dit qu'elle s'est dit à elle-même. She even spoke to herself. Même elle a parlé à elle-même. I don't know what you have suffered for 12 years. Je ne sais pas de quoi vous avez souffert pendant 12 ans. I don't know what you've gone through for 12 years. Je ne sais pas quoi vous avez passé pendant 12 ans. I don't know what the doctors have said for 12 years. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin dit depuis 12 ans. But today, mais aujourd'hui, the Lord, le Seigneur, the Lord is visiting town. Le Seigneur est en train de visiter la ville. Hallelujah. Hallelujah. And if you will be able to touch just the edge of his cloth, et si vous serez capable de toucher seulement le bord de son vêtement, everything will stop. Toute chose va s'arrêter. In the name of the Lord. Dans le nom du Seigneur. Listen what Jesus said. Écoutez ce que Jésus a dit. Who touched me? Jésus dit, qui m'a touché? Jesus asked. Jésus a demandé. When they all denied. Quand tous s'en défendaient. Peter said. Yeah. Master. Et ce qu'il avait pu dire. The people are crowding and pressing against you. Maître, la foule t'entoure et te presse. But Jesus said. Et tu dis. Someone touched me. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. I know that the power has gone out of me. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. The power of the Lord. La puissance du Seigneur. Is going to leave out of him. Ça va sortir de lui. Tonight here. Oh, ce soir aujourd'hui. And the deaf ears are going to pop open. Les oreilles de sourds vont s'ouvrir. The lame legs will stand up and walk. Les portiers vont se tenir debout et marcher. The blind eyes will open. Les yeux aveugles vont s'ouvrir ici. The tumors must go. Les tumeurs vont disparaître. I see some tumor. J'ai vu quelques tumeurs. He showed me some tumor. Il m'a montré certaines tumeurs. Today. Aujourd'hui. And I saw somebody with an accident. Et j'ai vu quelqu'un qui est passé par l'accident. Somebody that was hit by a bus. I think a bus. Quelqu'un qui était cogné par un bus. It does not matter. Peu importe ce que tu es passé. It is over today. Mais c'est fini aujourd'hui. Because the Lord of Lords. Parce que le Seigneur des Seigneurs. The great physician. Le grand médecin. The King of all kings. Le roi de tous les rois. He has come for you. Il est venu pour vous. Listen to this. Écoutez ceci. Verse 48. Verset 48. Then he said to her, Jésus lui dit, daughter, ma fille, your faith has healed you. Ta foi t'a sauvé. Go in peace. Va en paix. Your faith has healed you. Ta foi t'a sauvé. Go in peace. Va en paix. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Father, these are your precious people. Père, ceux-ci sont ton précieux peuple. And you love them, Jehovah. Et tu les aimes, Seigneur Jehovah. You have sent Jesus. Tu as envoyé Jésus. By the power of the Holy Spirit. Par la puissance du Saint-Esprit. To set them free. De les libérer. That tumors may disappear. Afin que les tumeurs disparaissent. That deaf ears may pop open. Que les oreilles des sourds puissent s'ouvrir. The blind eyes may open. Que les yeux aveugles s'ouvrent. That all disease may be healed. Que toutes les maladies soient guéries. Because you have loved this church. Parce que tu as aimé cette église. You have loved these people. Tu as aimé ce peuple. You have loved this minority. Tu as aimé cette minorité. You have loved these suffering people. Tu as aimé ce peuple qui a souffert. of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Let us clap. Amen. Acclamons le Seigneur. I worship in the holy of holies. Je chante dans le saint des saints. I worship in the holy of holies. J'adore dans le saint des saints. Somebody lift up your hands. Et quelqu'un lève ses mains. If you don't know the worship song, si vous connaissez pas ce chant d'adoration, just close your eyes and enjoy the presence of the Lord. Fermez les yeux et appréciez la présence du Seigneur. For 12 years, pendant 12 ans, it is over here today. Ça va finir aujourd'hui. Into the holy of holies. tout le monde ici. Standing up on your feet. Lèvons-nous, tenons-nous debout sur nos pieds, tous ensemble. Lift up your hands. Élevez les mains. In the mighty presence of the Lord. Dans la puissante présence de Dieu. Everybody in this house. Tout le monde dans cette maison. We are now entering into the healing service. Nous allons entrer maintenant dans le service de guérison. The worship team will stay in place. L'équipe d'adoration va rester en place. Lift up your hands and close your eyes. Levez haut les mains et fermez les yeux. Precious people. Précieux peuple. Beginning right now. À partir de maintenant. It is not going to matter anymore. Peu importe ce que vous aviez avant. It is not going to be important anymore. Ça sera plus important. What you have gone through. Ce à quoi vous avez souffert. What the doctors have said. Ce que le médecin a dit. But what is going to matter? Et ce qui va être important. Is that the blood of Jesus? C'est que le sang de Jésus is more than sufficient. Est plus que suffisant. Mighty Father. Père Tout-Puissant. Father, the God of heaven. Père le Dieu des cieux. The God of our Lord Jesus. Le Everybody, the Lord. The fire of the Lord.

maladies disparaissent. Let the tumors disappear. Les écartements disparaissent. You are going to feel fire. Vous allez sentir le feu. Fire is going to touch you. Le feu va vous toucher. Lift your hands very high. Precious Holy Spirit. Precious Saint Esprit. The God of Elijah. Le Dieu d'Élie. The God of Moses. Le Dieu de Moïse. The Holy One of Israel. Le Saint d'Israël. You are my one and only friend. Tu es mon seul et unique ami. I have no other friend. Je n'ai pas d'autre ami. Now you can pass from there. Alors tu peux passer là-bas. Touch. careful. Sois attention maintenant. The camera man, be careful. Non, le caméra man, be attention. Make sure you don't fall from there. Sois sûr que tu ne tombes pas de là-bas. The power of God is here. La puissance de Dieu est ici. He's going to pass there. Il va passer là-bas. And close your eyes. Et ferme vos yeux. Father, you love the worship team. You spoke to me about it. church there. Que le protocole surveille. And close your eyes, lift very high. Et fermez les yeux, levez haut les mains. Look down here, what the Lord has done. Regardez en bas, qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait. How beautiful the Lord, what the Lord is. Regardez en bas, qu'est-ce qu'il a fait. Look there. Regardez en bas. Everyone lift up your hands here. Ici là-bas, tout le monde lève les mains. And close your eyes. Et fermez les yeux. Mighty Father, Père Tout-Puissant, the God of Elijah, le Dieu d'Élie, and Moses, et Moïse, Father, you can now release your fire, Père, tu peux maintenant libérer ton feu, and your power, et ta puissance, and touch the over there, et la touche là-bas, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! The God of the light. God. Père Tout-Puissant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. For now you can take away disease. Seigneur, maintenant tu peux enlever toutes les maladies. You can heal the sick now. Tu peux guérir les malades maintenant. And dissolve tumors right now. Et dissoudre les tumeurs maintenant. I command tumors dissolve in the name of Jesus. Je commande aux tumeurs de disparaître au nom de Jésus. Right now. Maintenant. For deaf ears. Que les oreilles s'ouvrent. I command the deaf ears to pop open now. Je commande aux oreilles s'ouvrent de s'ouvrir maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The blind eyes. Que les yeux aveugles. I command your eyes open. Je commande à vos yeux de souffrir. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The lame legs. Les jambes portées. I command the lame legs open now. Je commande aux jambes portées de se lever maintenant. That the Lord may release the lame legs open now. Que le Seigneur libère les jambes portées maintenant. And strengthen them. Et redresser les jambes. And put strength on them. Et de mettre la force en elles. And repair the broken hips. Et de guérir les os qui étaient cassés. Repair the broken backs. Et de guérir les dents qui étaient cassés. That you may loosen the dumb tongues. Afin que tu libères le langue qui était muette. Touch their tongues. Touche leur langue. Release their tongues. Libère leur langue. Loosen their tongues. I decree your healing now. Je déclare ta guérison maintenant. I decree your healing now. Je déclare ta guérison maintenant. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Lift up. C'est moi qui vais élever ma main. Not you. Vous non, vous baissez vos mains. For that when I lift up my left prophetic hand, mais quand je vais lever ma main gauche prophétique, what Jehovah God in heaven, quand Jehovah dans les cieux, it will not matter. Peu importe ce que vous avez, what disease you have suffered, quelle maladie vous avez souffert, I will ask you, je vais vous demander, to stop doing what you could not do. De commencer à faire ce que vous n'étiez pas capable de faire avant. Immediately you see my left prophetic hand. Immédiatement quand j'allais voir ma main gauche prophétique en haut. Lifted up towards heaven. Quand j'allais voir les lèvres vers le ciel. If you were blind, si vous étiez aveugle, open that eye and try to see. Ouvre cet œil aveugle et commence à voir. You'll be shocked. Vous allez être choqué. If you were deaf, si vous étiez sourd, try to hear. If you were deaf, si vous étiez sourd, try to hear with that ear. Essayez d'écouter avec l'oreille qui était sourde. When I lift up my left prophetic hand, quand je vais lever ma main gauche prophétique, if you are tumors, si vous avez des tumeurs, try to look for the tumors. Commencez à chercher ces tumeurs. When I lift up my left prophetic hand, quand je vais lever ma main gauche prophétique, towards our Father in heaven, vers notre Père dans les cieux. If you were lame and crippled, si vous étiez boité et paralytique, try to get up and walk. Commencez à vous lever et à marcher. You will be shocked. Vous allez être choqué. That you can now walk. En vrai, vous pouvez maintenant marcher. Mighty Father, Père puissant, Father, I have now lifted up my left prophetic hand towards you. Père, maintenant j'ai levé ma main gauche prophétique vers toi. That you may now release tremendous healing anointing. Afin que tu puisses libérer maintenant une onction de guérison extraordinaire. At another level. À un autre niveau. That the lame may walk. Afin que le boiteux puisse marcher. The blind may see. Afin que les aveugles voient. The deaf may hear. Que les sourds entendent. The mute may speak. Que le muet puisse parler. Tumors disappear. Que les tumeurs disparaissent. That you may heal every disease. Que tu puisses guérir toute maladie. Everybody here. Tout le monde ici. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now you can do what you could not. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous n'étiez pas capable de faire. Right now. Maintenant même. Let the lame walk. Que le boiteux marche maintenant. Let the blind see. Que le aveugle voit maintenant. Let the mute talk. Que le muet parle maintenant. Everybody look what you must walk. Cherchez votre humain. Cherchez votre humain maintenant. If you cannot find it, lift up your hand. Si vous ne pouvez pas trouver le tumeur maintenant, levez vos mains en signe de témoignage. If the tumor has disappeared, si le tumeur a disparu, lift up your hand and say, I have been healed. Levez votre main, criez, je suis guéri. The deaf, le sourd. Everybody put down your hands. Que tout le monde baisse les mains. Baissez les mains, maintenant, les bras. The deaf. Le sourd. If there is any deaf person here. S'il y a une personne sourde ici. If you can hear, shout, I can hear. Si vous êtes ici et que vous entendez crier, je peux écouter maintenant. I still hear the sound of healing here. Je continue à entendre le son de guérison ici. Everybody lift up your hands. Que tout le monde lève les mains. Yeshua. Mighty Father. Père Tout-Puissant. Father, now you can open the deaf ears here. Père, maintenant tu peux ouvrir les oreilles des sourds ici. And the blind eyes. Et les yeux aveugles. And remove tumors. Et enlève les tumeurs. And strengthen the weak legs. Et redresse les jambes qui étaient faibles. Let the lame begin to walk right now. Et les portés commencent à marcher maintenant. If your lame begin to walk in the name of Jesus. Si les portés commencent à marcher dans le nom de Jésus. If your deaf begin to hear in the name of Jesus. Si les deaf commencent à entendre au nom de Jésus. Now you can put your hands down. Maintenant vous pouvez baisser vos mains. If you are deaf, si vous étiez sourd, maintenant, everybody put your hands down. Que tout le monde baisse ses mains. If you are deaf, si vous étiez sourd, maintenant, and now you can hear me. Et que maintenant vous pouvez m'entendre. Say, I can hear now. Priez, je peux entendre maintenant. The blind, les aveugles. Open your eyes. Ouvre cet œil. If you can see, shout, I can see now. Si tu peux voir, crie, je peux voir maintenant. The lame. Les boiteux. There is a woman somewhere. Il y a une femme quelque part ici. He has touched your leg. Le Seigneur a touché ta jambe. Try to walk. Essaie de marcher maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The tumors. Les tumeurs. Look for tumors now in the name of Jesus. Cherchez ces tumeurs maintenant dans le nom de Jésus. Nobody has tumors here. Est-ce que quelqu'un a des tumeurs ici? Look for tumors. Cherchez les tumeurs. But I'm talking about the deaf also. Je parle aussi des sourds. No deaf person here. Est-ce que quelqu'un veut dire si sourd en venant? Nobody can. Oh, so you are healthy people. There is someone healed there. What has happened there? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelqu'un peut aider avec la traduction en anglais. We need a microphone there. Quelqu'un avec un micro qui parle anglais. Oui, le frère. Oui, il est où? Get a microphone from here. Prenez un micro rapidement ici. Eric, vas-y. Okay, that's all right. There is no deaf person here. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici et est sourd? In France, you are very healthy. En France, vous êtes en bonne santé. The paralyzed, get up and walk in the name of Jesus. Les paralytiques, lève-toi et marche au nom de Jésus. The dumb, le muet. You can talk now. Maintenant, vous pouvez parler. I see he has delivered a lot of people here. Je vois qu'il a délivré beaucoup de personnes ici. Including my son here. Incluant mon fils ici. But how about the sick? Alors, ceux qui étaient malades. I know he has cleaned you guys up. Je sais qu'il vous a purifié déjà. Probably some of you will just discover tomorrow that you have been healed. Certains d'entre vous allez découvrir demain que vous êtes complètement guéri. The Lord. Le Seigneur. He is God. Et Dieu. Hallelujah. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. What has happened there? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le tumeur a disparu. What has happened there? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Speak. The Lord has healed a tumor. Le tumeur a disparu sur cette femme. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Are you the woman I saw? Êtes-vous la femme que j'ai vue? Yes, you are the woman I saw in the morning. Oui, vous êtes la femme que j'ai vue le matin. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. In the morning, le matin, when I was going to the other church, quand j'allais dans l'autre église, he made me sleep in the car. Il a fait que je puisse dormir dans la voiture. And I was sleeping like this. Et je dormais comme ça. But he showed me this woman, the tumors. Alors, il m'a montré cette femme avec des tumeurs. And there is another one who has been hit, was riding a bicycle, was hit by a bus. Et puis, une autre personne qui conduisait un vélo et qui a été cognée par un bus. What has happened there, Pastor Jack? Find out. Qu'est-ce qui s'est passé ici, madame? Je suis arrivé, j'avais très mal, il y avait une douleur là, je ne faisais que cracher. When I arrived, I have a big pain here and I was just spitting out. Spitting what? Do you like her? And then 1 month, she's having a chemotherapy. Chemotherapy. No, chemotherapy. Et le médecin m'a dit qu'il n'est pas, de toute façon, il ne pourra pas me guérir. And the doctor said, anyway, she will not be healed. Continue. Et je sais que mon Dieu, il a le dernier mot. And I know that my God has the last words. Continue there. Je lui fais confiance. So what happened to you? I trust the Lord and now I was not able to touch you, but now I feel free. Well, you were never able to touch me. The pain is lived. There is no more pain now. Listen to me. Écoutez-moi. I announced in the other church. J'ai annoncé dans l'autre église. And you remember I said it's around the stomach. Je disais c'est autour de l'estomac. In Pastor Dennis's church. Dans l'église du Pasteur Denis. I said I see a woman, you have a tumor here, it's around the stomach. J'ai dit, j'ai vu une femme qui avait un tumeur à côté de l'estomac. And today it is here. Et aujourd'hui c'est ici. What has happened? What couldn't you do before? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Je ne pouvais pas me baisser, parce que j'avais très mal. Même... What couldn't you do before? She was not able to bind, to kneel or to walk properly. Try to do what you could not do. C'est la chose que tu n'étais pas capable de faire. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen, le Seigneur. Run, run, cours, madame, cours. Run, cours devant le Seigneur. Look at that. Alléluia. And listen to me. Écoutez-moi. When he showed you to me, quand il m'a montré, I knew that it was a woman with a light skin. Je voyais que cette femme avait un teint un peu clair. But I announced it in the other church. Et j'avais annoncé ça dans l'autre église. I said there is a woman with a tumor. It's around the stomach. Je disais il y a une femme avec un tumeur à côté de l'estomac. How many heard me announcing that? Qui m'avait entendu annoncer cela? In the other church, lift up your hand. Levez vos mains ceux qui étaient là-bas. The Lord loved this woman. Le Seigneur aime cette femme. He remembered you. Il s'est rappelé de toi. There are many people who have been healed here. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris ici ce soir. Make sure you look for your diseases. Voyez ce que vous cherchez cette maladie que vous avez avant. He has delivered and healed. Il vous a délivré, il vous a guéri. I know we are operating on a tight schedule here. Nous avons un horaire très serré ici. But listen to me. Mais écoutez-moi. Anyone came deaf here? Est-ce que quelqu'un est venu ici étant sourd? No deaf person in this house. Il n'y a pas de sourd à ce lieu dans cette maison. No. There is a woman, she's tying a cloth on the head. Is it not here? Il y a une femme qui a un foulard sur la tête. A greenish cloth. Et c'est de couleur verte. And she stands up and walks. Elle s'est mise debout, elle a marché. Are you telling me God is showing me another meeting? Est-ce que vous êtes en train de me dire que Dieu me montre une autre réunion? It must be here. Ça doit être ici. When we were in Chile, quand nous étions en Chili, there's a woman that did not have a left eye. Il y avait une femme qui n'avait même pas un œil du côté gauche. And the doctor said it was not formed. Et le docteur a dit qu'il n'y avait même pas un œil qui était formé à cet endroit. In the womb. Quand elle était dans le ventre de sa mère. So there is no eye, they said, forget it. Elle n'avait même pas d'œil. Alors on a dit oublier ça. And when the Lord told me she's going to be healed. Alors quand le Seigneur m'a dit qu'elle sera guérie. When she was healed, I was asking for her, where is she? Quand elle était guérie, je demandais, mais où est cette femme? And she did not believe it was her. Elle ne croyait même pas que c'était elle. Because the doctor said, forget it. Parce que le médecin m'a dit, oubliez ça. Is that the situation here today? Est-ce que c'est la situation ici aujourd'hui? That you don't believe you can walk. Que vous ne soyez pas capable de croire que vous pouvez marcher. Let the lame walk. Que le moteur puisse marcher. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Any death. Est-ce qu'il y a un sourd? There is a woman, you tie green. Anyway, don't worry, the Lord will help you. Le Seigneur va vous aider, il y a une femme qui est habillée en vert. Remember to come back to Pastor Moquet. Rappelez-vous de revenir voir le Pasteur Moquet. Every time the Lord heals you, always go back to the Lord. Chaque fois que le Seigneur vous guérit, retournez vers le Seigneur. No deaf in France. Il n'y a pas de sourd en France. We bless the Lord for that. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Even Kenya did not begin like this. Même Kenya n'a pas commencé comme ça. That means France is going to see a very big revival. Ça veut dire que la France va connaître un très grand réveil. Hallelujah. Hallelujah. That means ça veut dire the Lord has chosen France. Le Seigneur a choisi la France. And he has chosen this church. Et il a choisi cette église. To bring forth a mighty revival. D'amener un grand réveil. That will consume Europe. Qui va consommer toute l'Europe. I want to come back to France. Je vais revenir en France. Hallelujah. Hallelujah. If this is the way he can start in France. Si ceci est la façon qu'il peut commencer en France. He did not even start like that in Netherlands. Il n'a même pas commencé comme ça en Hollande. But France. Mais la France. I want to come back to France. Je veux revenir en France. If this is the beginning, si ceci est le commencement, then we need to move to the next level. On va aller au prochain niveau. Until you are like Kenya. Jusqu'à ce que vous devenez comme au Kenya. What is happening everywhere? Qu'est-ce qui se passe partout ici? Where is my son? Please take the microphone. Il est où mon fils? S'il te plaît, prends le micro. Take the microphones and worship Jehovah. Prends le micro et adore Jehovah. Let us worship Jehovah. Laissons adorer Jehovah ensemble. For me, I love Jehovah. Pour moi, j'aime Jehovah. There is that worship song you sang in Lingala, in Swahili, Lingala, and everything. And then after there that, is after that he comes in. Alleluia. There is a worship song you sang in Lingala. Il y a un chant que vous chantez à Lingala. When we started here. Let us just worship the Lord. Let us clap to the Holy Spirit for visiting. Acclamons le Seigneur d'avoir visité. Come and stand up and clap for the Holy Spirit for visiting. Acclamons le Saint-Esprit de nous avoir visité ici. I told you he loves you. Et je vous ai dit qu'il vous aime. You are better than the church in Kenya. Vous êtes mieux que l'église au Kenya. Look at how gloriously you are dressed for Jehovah. Vous êtes habillé pour Jehovah. What? Watch her, watch her. Surveille-la, surveille-la. Don't let her go alone. Watch her. Ne laissez pas aller loin. Put her down to sit. This boy was deaf, he can hear, but he still deaf, he cannot speak yet. And all the deaf here is open. Les oreilles s'ouvrent maintenant, maintenant. The deaf ear is open here. Il y a les oreilles sourdes qui sont ouvertes maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Let us go to the Lord. Acclamons le Seigneur. I told you. Je vous ai dit. You will discover many miracles about the ear. Vous allez découvrir beaucoup de miracles après. Hallelujah. He can hear but cannot speak yet. Bring him here then. Amenez-le ici devant. I want to see if he can hear. Je vais voir si peut entendre. Let's worship song. Amenez-le sur le stade. It will be in Lingala. And sing it. He has purified the worship him, right? He has purified the worship him. Don't move. Just stay. Tell her not to move. Dis-lui de ne pas se bouger. You don't move because. Vous ne bougez pas, madame. Alléluia. The power of the Lord, la puissance du Seigneur, chantez la gloire de Dieu. Baba. Mama. Okay, let me pray for the boy. Laissez-moi prier pour les garçons. It's alright, don't cry, baby. Ne pleure pas, bébé. Father, heal this baby. Père, guéris ce bébé. Thank you for opening the deaf ears. Merci d'ouvrir les oreilles qui étaient sourdes. Opening the deaf ears. Merci d'avoir ouvert ses oreilles. Now you can loosen the tongue. Maintenant tu peux lâcher, libérer sa langue. That he may worship you. Afin qu'il puisse t'adorer. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. And the woman with the tumor. Pour la femme qui avait le tumeur. And there are many people who will discover they have been healed. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir qu'ils ont été guéris. Don't forget. N'oubliez pas. Don't forget to come back. N'oubliez pas de revenir. To Pastor Mokey. Voir le Pasteur Mokey. And to tell the Lord. Et de dire au Seigneur. Thank you. Merci Seigneur. I am reading the book of Isaiah. Je lis dans le livre d'Esaïe. As we are standing. Comme nous sommes debout. Everybody standing. Tout le monde reste debout. The book of Isaiah chapter 40. Le livre d'Esaïe chapitre 40. I am reading verse 3. Je lis le verset 3. Remember, you must live according to the Bible. Rappelez-vous, vous devez vivre selon la Bible. The Bible says, bring the tithe and the offering to the house of God. La Bible dit, amenez les offrandes et les dîmes dans la maison du Seigneur. But if a pastor is preaching money every day, that is a liar. Alors si un pasteur prêche l'argent tous les jours, là c'est un mensonge. They should preach salvation. On doit prêcher le salut. I am reading Isaiah chapter 40 verse 3. Je lis dans Isaïe 40 verset 3. A voice of one calling in the desert. Une voix crie dans le désert. Prepare the way of the Lord. Préparez le chemin de l'Éternel. Make straight in the wilderness. Aplanissez dans les lieux arides. A highway for our God. Une route pour notre Dieu. Every valley shall be raised up. Que toute vallée soit exaucée. Every mountain and hill made low. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. And the rough ground shall become level. Que les coteaux se changent en plaine. And the rugged places a plain. Et les défilés étroits en vallon. And the glory of the Lord will be revealed. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. And all mankind together will see it. Et au même instant toute chair la verra. For the mouth of the Lord. Car la bouche de l'Éternel. He has spoken. Il a parlé. In the holy of holies. Dans le saint des saints. As we are standing. Comme nous sommes debout.